L'automne est arrivé, mais il ne faut pas oublier de penser à notre retraite et surtout de bien planifier notre budget. Service financier Jacqueline Doucet a pour mission de vous aider à atteindre votre indépendance financière grâce à des stratégies personnalisées. Nous sommes en mesure d'optimiser votre situation financière en vous proposant une planification complète en placement et assurance. Pour rencontrer l'équipe dynamique et sympathique de Service financier Jacqueline Doucet, 418-276-6170. Monsieur Jacqueline Doucet et toute son équipe rappelle que l'achat local est vital pour protéger nos emplois et notre économie. On va parler ce samedi matin avec notre ami Tony Guzzo. Salut Tony. Salut Danny, comment ça va? Ça va bien Tony. Écoute, beaucoup d'actualités cette semaine dans le monde de la NFL. Je sais même pas par quoi commencer. D'abord, on va commencer par Russell Wilson. Ça oui. Vient d'éliminer les Seahawks de Seattle. Ah ben, on le savait, hein? On savait que les Seahawks, là, puis... Tu sais, on parlait des Falcons, l'avance au Super Bowl, qui ont perdu, là, puis depuis ce temps-là, Atlanta est en fait dur ou est en pente descendante. Mais je trouve que depuis la mauvaise décision de Pete Carroll contre les Patriots au Super Bowl, depuis cette mauvaise décision-là, on trouve que les Seahawks ne sont pas à la hauteur, puis je trouve qu'ils mettaient beaucoup de pression sur Russell Wilson. Ben, c'est pour ça qu'il voulait partir. Exactement. Puis là, il est blessé. Une grosse blessure. Il s'est fait opérer au doigt. Donc, il va rater presque 2 mois. Donc, c'est là qu'on va voir vraiment que, malheureusement, je pense que c'est le début de la fin et le début de la reconstruction à Seattle. Ben oui, c'est clair, ça. Là. Hey, dis-moi, Tony, parle-moi aussi de Urban Meyer. Ouais. C'est incroyable. On parle même qu'il finirait même pas l'année. Tu sais, c'est pas surprenant, là. Urban Meyer, c'est un gourou, là. Ils sont rares, les entraîneurs qui ont réussi de la NCAA. Il y a probablement Pete Carroll qui a réussi. Jim Harbaugh. Lui, as-tu commencé? Jim. As-tu commencé dans la NCAA? Non, il n'a pas commencé dans la NCAA. Il avait commencé dans la NFL. Il est retourné dans l'NCAA. Ils sont très rares, les entraîneurs qui ont eu succès dans l'NCAA, qui réussissent. Pas Pete Carroll, Barry Switzer, peut-être, Jimmy Johnson, avec cette équipe-là, je pense que j'aurais gagné le Super Bowl moi-même. Il y a Matt Rhule, en ce moment, qu'on parle pas beaucoup, qui va bien en Caroline. Brian Kelly est un entraîneur incroyable. Quand tu dis que Nick Saban, là, qui va probablement battre les records de... T'sais, il n'a même pas été capable de réussir. Avec mes Miami, avec mes Dolphins. Avec tes Dolphins, ça veut tout dire. Là. Donc, Urban Meyer qui a été pris dans l'histoire dans un bar de danseuse, quel manque de jugement. C'est pas un bar de danseuse en passant. Non, l'histoire, c'est que après le match du jeudi soir, vu qu'ils ont joué à Cincinnati, donc c'est la ville natale de Urban Meyer. Urban Meyer, je pense que c'est le seul qui a fait ça dans la vie, dans la NFL, c'est qu'il a décidé de rester en ville et pas accompagner l'équipe au retour à Jacksonville. Puis là, ce soir-là, il était dans un bar, puis il y a une femme qui dansait devant lui, qui entre guillemets, se laissait aller après lui, se frottait, là, puis lui, il dit que c'était plus pour prendre une photo là, avec les fans, là, incroyable. En tout cas, je suis un peu déçu parce que j'avais pas mal d'espoir sur lui. Malgré que il a lâché l'universitaire parce qu'il y avait des problèmes d'anxiété et des affaires de même. Puis là, je me suis dit, oh boy, il s'en va dans la NFL, c'est encore pire. Fait que là, non, c'est des mauvaises décisions. Là, ça a l'air que ça a touché déjà le vestiaire. C'est vraiment malheureux, mais là, ça, c'est. On dirait que c'est. Je sais pas si c'est parce qu'ils partent avec la tête haute de l'université à la NFL, mais c'est vraiment deux games vraiment totalement différentes. Tu diriges des étudiants athlètes, donc sont déjà encadrés, sont déjà dans une bulle, comme on dit. Puis là, de l'autre côté, ben là, t'as des divas, t'as des millionnaires. Des individus avec des attitudes, des divas, comme on dit. Mais je suis vraiment déçu parce que c'est lui-même qui se met dans le trouble. Ben, c'est ça. Puis là, on parle d'arrogance, tout ça. En tout cas, c'est vraiment dommage parce que parce que je m'attendais à... Tu sais, il fallait être patient. Moi, je lui avais dit, on se donne un 3-4 ans pour voir comment il va sûrement monter un programme comme il monte en université, mais avec une équipe professionnelle. Mm. Mais il se met, il se tire dans le pied, comme on dit en bon québécois. Puis je sais pas ça va être quoi le futur. En tout cas, on va le savoir. Il y a des rumeurs déjà qui circulent, qui s'en iraient avec USC. Si Clay Helton a été congédié à USC. Ouais. Ouais. Écoute, ça c'est un entraîneur qui pourrait réussir dans la NCAA, mais. Ouais, il, sauf qu'il s'aide pas là, avec qu'est-ce qu'il fait. Tu vois que le coach il pense à lui en premier, puis et non à ses joueurs, puis à son équipe. En tout cas, on va voir comment que les joueurs répondent. Là, il y en a qui disent qu'ils ne répondent plus. Fait que là, ça veut dire ça va pas bien. Là. On est rendu à la cinquième semaine. Ouais. Aussi, on va parler de Mike Holmgren qui a réussi un exploit quand même extraordinaire. 100 victoires avec deux équipes différentes. Andy Reid, tu veux dire? C'est ce que j'ai dit. T'as dit Mike Holmgren, t'as sorti ça. Okay. Non, c'est parce que Mike Holmgren est un successeur, Andy Reid est un successeur, est un dauphin de Mike Holmgren. Donc, je veux parler d'Andy Reid, effectivement. Andy Reid qui a été à 100 victoires consécutives, mais moi, c'est un super exploit, je pense que c'est la première fois que ça arrive, là. Mais à quelque part, quand que sa carrière va être terminée? Moi, j'ai l'impression que oui, c'était des beaux chiffres, mais c'est comme Marty Schottenheimer, la misère à prononcer, Dan Reeves, Tony Dungy, c'est des entraîneurs qui auraient pu avoir 3, 4, 5 Super Bowls, puis ils n'ont gagné rien. Ben, je suis pas inquiète, Danny, parce que la façon que le football américain professionnel honore là, dans son temple de renommée, je pense qu'il va réussir. Il va réussir parce qu'il a réussi quand même 100 victoires pour deux équipes. Là. C'est quand même beaucoup. Oui, il y a seulement un Super Bowl, là, mais je veux dire, je pense que ça ne sera pas. Il a développé quand même des bonnes équipes, mais il n'a pas réussi à gagner. Il a gagné le gros match, mais je pense qu'en ce moment, il a gagné une fois, là, mais sauf qu'il a gagné quatre fois. Ouais, mais je trouve qu'à son âge en ce moment, comparé à d'autres, je trouve qu'il développe bien ses joueurs. Tu sais, il est pas old school, comme on dit, là. Mm. Je trouve qu'il développe bien, il a des bonnes équipes. Oui, il y a eu, pendant des années, on a questionné son contrôle du temps, là, de l'horloge, là. Oui, il a fait des erreurs, mais... encore au dernier Super Bowl, tu sais. Oui, Pat Mahomes s'est fait courir après toute la fin de semaine, sauf que quelque part... Mais il passe devant les noms que tu as nommés. Selon moi, Danny, il est un peu... Dans l'histoire, je te parle dans l'histoire. Je comprends ce que tu veux dire, on va retenir que le gars, il fait les playoffs, mais il ne gagne pas les gros matchs. Ouais, tu as raison. À ce niveau-là, c'est l'étiquette qu'il va avoir. Match à surveiller. Bon, il y a plusieurs bons matchs. J'en retiens trois. Moi, le plus gros, c'est... Buffalo-Kansas City, ça risque d'être très bon. Mais San Francisco-Arizona à 16h25, pour moi, c'est le gros match. C'est un gros match, Danny, mais je ne sais pas si tu es au courant. C'est Trey Lance qui va être le partant parce que Jimmy Garoppolo est blessé. Donc, tout un gros test. Là. Oui, ça va être un gros match, mais j'ai hâte de voir comment Trey Lance va répondre. Les Cards sont en feu. Personne ne les voyait à ce point-là. Gros score à Los Angeles la semaine passée. C'est un gros message qu'on voyait à la Ligue. Ah oui, puis ils ont démontré qu'ils sont excellents, sont très bons des deux côtés du ballon. Très difficile, les défensives adverses, c'est très difficile de défendre contre Kyler Murray, que moi je pensais qu'à cause... Mais il est mieux qu'un Lamar Jackson, selon moi, parce qu'il sort de sa pochette, mais un peu à la Mahomes, il est capable de sortir la grosse passe au bon moment où il peut courir avec. Donc, une lecture plus... Une meilleure lecture. Puis techniquement aussi, parce qu'on se pose toujours la question à Lamar Jackson, comme passeur, on a toujours des doutes, mais en tout cas... Surtout avec Trey Lance, son premier départ en carrière contre la meilleure équipe de la NFL en ce moment. En tout cas, ça va être vraiment difficile pour Trey Lance contre la défensive des Cards. Ben oui, effectivement, quand c'est un match de division comme ça, là. Ben, c'est les 49ers. Regarde, le match est en Arizona, donc ça se déroule, ça part mal, là, mais les Flyers doivent gagner s'ils veulent continuer à espérer une place 2-2. Donc, c'est comme mon sondage du jour. Est-ce que Trey Lance va gagner son premier match? Va-tu subir la première défaite aux Cards? Je suis pas sûr de ça. Non, je suis pas sûr, non. deuxième match à surveiller, c'est Buffalo Kansas City. Ah oui. Ben, tout le monde le nomme le match la semaine en un Sunday Night Football, un dimanche soir. T'sais, on parlait beaucoup de Kansas City contre Baltimore. T'sais, Mahomes comme Jackson, mais je pense que les deux jeunes corps vedettes, là, Mahomes contre Allen, là, c'est vraiment c'est vraiment, comme on dit, un fait saillant ou à la une là, pour la NFL. Donc la défensive des Bills me surprend énormément. Elle est très forte en ce moment, cette défensive-là, mais ça va être le premier gros test contre Mahomes puis les Chiefs. Josh Allen est de retour, l'offensive on a vu un peu, mais pas au même niveau que l'année passée, donc on voit un peu, mais à part, moi personnellement, pour les fans de football qui connaissent un peu plus ou qui veulent apprendre le football, ce match-là va se passer au niveau du coaching. Ouais. Donc entre Andy Reid puis Scott McDermott, là, Buffalo ont une équipe de coaching vraiment solide à tous les niveaux. Fait que moi, je pense que ça va se passer au niveau du coaching, comment ils vont s'adapter en cours de match. Ça va se passer là, selon moi, ce match-là. Puis ça va être serré jusqu'à la fin. Ça a été une belle défaite contre les Steelers en début de saison. Ça a peut-être réveillé cette gang-là. Buffalo? Ah, oui. Ouais. Ça a peut-être réveillé une bonne gang. Et le troisième match, toi, que tu as mentionné? Moi, j'ai les Browns contre les Chargers. Ouais, c'est à 16h05, ça. Ouais, à CBS, deux équipes, 3 et 1. Chargers, c'est une belle surprise. Pardon? Les Chargers qui sont une belle surprise. Oui, une belle surprise, mais on avait des attentes pour eux. On s'est dit, ils ont une belle petite équipe. Ouais. Là, ça va être vraiment... tantôt, je parlais de deux coachings. Là, ça va être vraiment, moi, j'appelle ça l'intelligence en jeu de Mayfield contre Herbert. Mayfield, je trouve que des fois, il ne prend pas des bonnes décisions. Herbert, c'est un grand lanceur. Il lance, il passe la balle où ce qu'il veut, mais lui aussi, il va falloir qu'il prenne vraiment de bonnes décisions. Cleveland va avoir besoin de son jeu au sol. Puis j'ai hâte de voir comment les Chargers. Si les Chargers gagnent ce match-là, là vraiment, on peut vraiment les considérer dans la course. Puis en passant, il y a 7 équipes dans l'Américaine qui ont une fiche de 3 et 1. Fait que ça va être vraiment... puis des matchs comme ça, là, c'est vraiment important. Donc, on a quand même de bons matchs à surveiller en fin de semaine, mais c'est les 3, selon nous, là, à surveiller. Tony, on s'en reparle bientôt? Oui, je vous souhaite un bon football, un bon week-end. Notre ami Tony Guzzo du site internet, lebitsnfl.com.